Donc aujourd'hui, on vient d'entendre diverses paraboles du Seigneur, en fait trois paraboles, une plus déployée que les autres. Attardons-nous sur cette première parabole justement, où Jésus parle d'un homme qui est sorti pour semer, où Jésus parle que lorsque le grain lève, ce n'est plus juste du bon grain, des bonnes plantes qui poussent, mais aussi de l'ivraie, de la mauvaise herbe. Le contexte, c'est quand même peut-être intéressant aussi d'essayer de comprendre le contexte de cette parabole. Et ceux qui posent la question au semeur, comment tout cet ivraie est venu, le semeur lui-même répond, c'est l'ennemi qui l'a semé durant la nuit. Et les serviteurs, dans cette parabole, les serviteurs du maître, donc ceux qui sont dans la même équipe que le maître, viennent à lui dire, Seigneur, veux-tu qu'on aille les arracher? Veux-tu qu'on arrache l'ivraie? Puisque l'ivraie, c'est pas de la bonne graine. Et finalement, la réponse du maître, c'est non, de peur que vous arrachiez aussi la bonne graine. Alors, je ne sais pas si certains ont le pouce vert parmi nous, parmi vous. Alors, quelquefois, on sait bien, dans notre jardin, on n'aime pas ça avoir des mauvaises herbes, parce que ça, on voit plus trop les bonnes plantes, spécialement quand elles sont petites. Mais, justement, si vous essayez, chez nous, on avait un jardin, je me souviens, et on semait entre autres des carottes, des petites carottes. C'est des petites graines. Et quand ça pousse, ça fait des tout petits plants, tout fin. Et si vous vous mettez à essayer d'arracher des mauvaises herbes au milieu des carottes fraîches, nouvelles, lorsque vous allez tirer la mauvaise herbe, vous allez arracher les petites pousses qui poussent à peine de carottes. Donc, vous avez tout perdu. Tu as enlevé la mauvaise herbe, mais tu as perdu aussi la bonne graine. Et c'est ce problème-là que Dieu veut éviter. Encore une fois, Jésus nous explique un peu la parabole, puis il dit tout ça, c'est un exemple, et la vraie leçon qu'il veut nous donner, c'est pour la vie. Il dit, la bonne graine, c'est les fils de lumière, l'ivraie, c'est les fils du mauvais. Quelquefois, en Église, on peut se dire, ben voilà, les fils de lumière, c'est qui? Ben, c'est nous, c'est les chrétiens, c'est ceux qui font bien, qui agissent bien, etc., qui essaient d'aller à la messe le dimanche, qui essaient de faire du bien la semaine. Puis l'ivraie, ben, c'est ceux qui sont pas ici à soir, c'est ceux qu'on a le goût d'accuser, que toi, tu fais pas ci, tu fais pas ça, etc. Et là, le Christ, avec l'Église, nous dit, attention, n'accuse pas trop vite celui qui peut-être n'est pas là. La tentation d'arracher, la tentation même d'excommunier, de mettre en dehors de la communion, elle reste toujours là, même au cœur du serviteur du maître, même au cœur du serviteur de Dieu. La tentation d'exclure celui qui n'est pas pur, qui n'est pas parfait. D'ailleurs, le pape François est accusé à divers endroits par diverses personnes de pas être assez tranché et de pas être assez accusateur des problèmes que portent les gens. Ils disent qu'ils ne condamnent pas assez ceci, ils ne condamnent pas assez cela, ils ne condamnent pas assez cela. Pourtant, les gens aiment beaucoup le pape François, même ceux qui sont loin, non pas pour se faire flatter nécessairement dans le sens du poil, parce qu'ils sentent qu'il est exigeant, le pape François. Il vit l'Évangile de façon radicale. Et on sent bien qu'il n'est pas facile à suivre. Mais les gens l'aiment. Et le pape François, ceux qui veulent essayer de comprendre sa façon d'agir avec les gens, je vous invite à lire La joie de l'Évangile, l'une des premières lettres qu'il a écrites, une lettre apostolique, dans les numéros à peu près 30 à 35, où il explique sa façon d'être. Pourquoi il dit que de notre temps, la première chose à faire, ce n'est pas de condamner les erreurs, même si il y a des erreurs, et une erreur, ce n'est pas un bien. Oui, il faut nommer les choses comme elles sont. Mais il dit, la première chose que les gens ont besoin d'entendre, c'est pas d'entendre parler de l'erreur, c'est d'entendre parler de l'amour et même de la miséricorde. Parce que mon erreur, je l'admettrai jamais si je sens que dès que je vais l'admettre, je vais être condamné. Mais si je sais que celui à qui je vais admettre mon erreur va m'aimer quand même, va même me pardonner, va même dire, veux-tu que je t'aide à te relever de cette erreur? Eh bien là, oui, à lui, je vais être prêt à l'admettre, mon erreur. Mais donc, le pape François dit, la première annonce qu'il faut faire, c'est celle de la miséricorde. Et il dit, il ne faut pas présupposer que notre monde, qui entend parler vaguement de l'Église, ou même de la morale vaguement, a compris l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'avant de donner tous les éléments moraux, il y en a des éléments moraux pour être heureux, c'est fondamental, on s'en sort pas. Mais avant d'être capable de les comprendre, il faut comprendre l'amour qui éclaire tous ces commandements. Donc, et aussi cette logique de condamner, d'exclure, c'est pas la logique d'un parent et d'un parent envers ses enfants. Il y a des parents ici, là, je vois quelques enfants, donc j'en déduis qu'il y a des parents. Alors, lequel parent parmi vous qui est ici, vous dites, après que votre enfant ait fait une bêtise, bon, celui-là, il y a trop d'ivraie en lui, je vais le détruire, on va refaire un autre bébé. Est-ce que c'est la réflexion du parent? Mais non. Évidemment, ça lui fait mal que son enfant fasse une bêtise, se fasse du mal ou fasse du mal aux autres. Ça lui fait mal. Mais il dit, oh, c'est mon enfant. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de l'aimer plus. Je vais semer encore plus de bonnes graines. Je vais semer encore plus de patience, d'amour autour de lui. Je vais bêcher autour de cet arbre et je vais espérer qu'il reprenne le droit chemin, qu'il porte du bon fruit. Mais le premier réflexe du parent, ce n'est pas de détruire celui qui porte le mal, son enfant, c'est de guérir celui qui porte le mal. Et j'ai fait une expérience moi-même il y a plusieurs années, quand j'étais passé en France, j'ai rencontré l'Emmanuel, j'ai été prié à Thésée ensuite, et ça faisait plusieurs années, j'étais un bon chrétien, je comprenais c'était quoi être droit, c'était quoi pas être chrétien, et j'étais un petit peu inquisiteur sur les bords envers tous ceux qui n'étaient pas tout à fait droits. J'essayais d'être un bon serviteur du Seigneur, mais je voyais que mon apostolat, ça marchait pas, en fait. Les gens me fuyaient un petit peu. Au lieu d'approcher de Dieu, des fois, j'éloignais de Dieu. J'essayais d'être un bon serviteur, mais j'avais pas encore compris cet amour qui patiente, qui guérit, qui espère, dont parle saint Paul, hein, l'hymne à la charité. L'amour prend patience. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Et puis, à un moment donné, après être passé à Paris le Monial, après avoir été séduit par le cœur de Jésus, qui s'est manifesté à Paris le Monial, ce cœur qui dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, m'a frappé la parole, qui est d'ailleurs à la source de ma vocation de prêtre et avec l'Emmanuel, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Le serviteur ne sait pas ce que veut faire son maître. Mais moi, je vous ai montré tout ce que mon Père veut. Et tout ce que mon Père veut, je vous l'ai montré. Et ce que mon Père veut, c'est la miséricorde. J'avais pas mal tout ce qu'il faut dans la morale, etc. Mais j'avais oublié l'élément moral le plus important que saint Thomas dit, la suprême des vertus. Il dit que la plus grande attribut de Dieu, c'est la miséricorde. Eh bien, je l'avais oublié. Donc, je n'étais pas un ami du Christ, quelqu'un qui se penche sur son cœur, puis qui pense comme lui, qui réfléchit comme lui. J'étais quelqu'un qui essayait d'imiter son maître, mais complètement à côté de la plaque. Mais dans sa miséricorde, dans sa patience, Dieu m'a tranquillement appris à aimer comme lui. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi, puis qu'il n'y a pas de morale. Il y en a une morale. Et au fond, la morale, c'est quoi? C'est l'appel à être heureux de façon cohérente, libre, sortir de nos addictions, de nos esclavages. Mais tout ça pour répondre à un appel à l'amour. Donc, encore une fois, ici, Dieu dit, n'arrachez pas l'ivraie. Soyez pas trop prompt à condamner, exclure, mettre de côté. Ça pourrait faire du mal. Même Saint-Vincent de Paul, je lisais un petit livre d'André Frossard, magnifique, sur Saint-Vincent de Paul, cet ami des pauvres, qui a fondé une communauté, même une communauté de prêtres. Il disait à ses prêtres, attention, en chair, quand vous prêchez, ne démolissez pas, parce qu'à cette époque-là, était en train de croître beaucoup en France, l'Église protestante, des pasteurs protestants, et ça commençait à diviser beaucoup l'Église, hein, ça faisait de la zizanie. D'ailleurs, ici, en passant, l'étymologie du mot « ivraie », c'est le même mot en grec pour « zizanie », division. C'est intéressant, ce que sème l'ennemi, c'est quoi? C'est la division, il sépare. Donc, c'est vrai qu'on peut dire que dans l'Église, les divisions dans l'Église et entre les Églises, c'est semé par le diable. Est-ce que, conclusion, on doit juste exclure tout le monde? Attention, ne dénigrons pas trop tout le monde, ceux qui ne sont pas tout à fait comme nous. Ça, c'est l'œuvre du diable que de séparer de façon définitive. Dieu veut essayer de remettre ensemble ce qui était dispersé. Ut unum sint, qu'ils soient un. Il veut remettre ensemble. Donc, Saint-Vincent de Paul disait à ses prêtres, ne dénigrez pas personne en chair et pas même ces pasteurs qui sont en train de parfois séparer la foi de notre peuple. Les dénigrants, peut-être que vous allez les accuser un peu, vous allez déborder peut-être, les accuser injustement sur des points. Et ce faisant, ben les gens ils vont s'en apercevoir et ils vont prendre en pitié ceux qui sentent accusés injustement et vous allez juste faire fuir encore plus les gens. Non, il dit à la place, semez la bonne graine. Vous savez la différence entre semer et désherber? Oui, non? Désherber, c'est enlever les mauvaises herbes. J'ai fait ça quand j'étais jeune, moi. Je viens de Pont-Rouge, là, puis... Je travaillais pour des entretiens de champs, etc. Et il fallait enlever les mauvaises herbes. C'est très plate enlever les mauvaises herbes, pas ça. On n'aimait pas ça faire ça. Mais le bon Dieu, bonne nouvelle, il cherche pas des désherbeurs. Le bon Dieu cherche des semeurs, des gens qui sèment la bonne nouvelle, des gens qui sèment la parole de Dieu, des gens qui sèment l'espérance, des gens qui allument des lumières. Et la parole de Dieu a sa propre vie, elle va pousser comme cette petite graine. Il dit, le royaume des cieux est comme une graine de moutarde, et c'est la plus petite de toutes les graines. Mais une fois qu'elle pousse, elle les dépasse toutes les autres plantes. Pourquoi cette petite graine de la parole va dépasser toutes les autres idées, peut-être qu'ont reçu ceux à qui je parle? Eh bien, c'est que cette petite graine est pleine de vérité. Cette petite graine est pleine de Dieu. Cette petite graine, la parole de Dieu, elle est inspirée, pleine de l'Esprit Saint qui est source de vie et qui pousse et qui pousse et qui pousse vers Dieu, vers le beau, vers le vrai. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, semée très simplement, elle fait son chemin dans les cœurs. J'ai un ami qui me disait qu'à son travail, il attrape des fois, il traîne dans ses poches des petits pains de la parole. Vous avez peut-être déjà vu ça, là, des petites paroles de Dieu qui sont écrites sur un carton. Et puis, des fois, il les affiche sur son babillard à son travail. Puis, il s'est aperçu que, oups, ses collègues arrêtent et lisent la parole. Et ils viennent dire, c'est quoi ça veut dire, ça? Et finalement, oups, il change de pain parce qu'il a pigé un autre pain, puis il met un autre. Hey, puis ça, c'est quoi ça veut dire? Et finalement, la parole fait son travail. Il passe pas son temps à condamner toutes les bêtises que ses collègues peuvent dire sur l'heure du midi, parce qu'il peut s'en dire beaucoup de bêtises sur l'heure du midi. Mais il sème la parole. Et tranquillement, la parole fait son chemin. Dieu se met à attirer. Le beau attire. Le bien attire. Le vrai attire. Parce qu'on est fait pour le beau, le bien et le vrai. Dernier petit point, si au fond, des fois notre tendance à exclure se camoufle derrière le désir de justice. On se dit, ben moi c'est parce que je veux être juste, puis je veux être pour ça, c'est pour ça que je voudrais qu'un tel soit plus là, puis qu'on exclue les autres. attention, cette apparente justice est plutôt souvent de l'impatience. Hein, je suis impatient envers les autres. Je suis impatient que Dieu fasse vite son travail. Mais Dieu y est patient. Il dit, pour moi, un jour, c'est comme 1000 ans. Aussi, dans cette attitude, souvent, il y a un manque de foi. Foi en la résurrection. La résurrection, c'est quoi? C'est ramener la vie où il n'y en avait plus. Et souvent aussi, il y a un manque d'espérance. Parce que je n'espère plus le salut pour mon frère qui peut-être s'est égaré. Et enfin, dans cette attitude aussi d'exclure, il y a souvent un manque de charité parce que je n'arrive pas à aimer comme mon Père qui aime chacun de ses enfants. Donc, demandons à Dieu aujourd'hui, c'était la prière de l'oraison. Au début de la messe, j'ai fait une petite prière, hein, celle qui est dans le priant. C'est un petit bijou et ça demande 3 choses géniales. Je le relis, cette oraison. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur. Multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. La foi, l'espérance, la charité. Demandons à Dieu de faire croître en nous la foi, l'espérance et la charité pour être attentifs à ses commandements, mais surtout, n'oublions pas le commandement Jésus qui nous dit « Soyez comme mon Père qui est parfait, soyez miséricordieux comme le Père. » Seigneur, on se tourne vers toi. Merci de cet appel à non seulement être des serviteurs, non seulement vouloir la justice et surtout l'exclusion, mais désirer encore plus le retour au bercail, désirer comme toi le salut de tous nos frères et sœurs, tous tes enfants que tu aimes tant. Amen.